Guillermo Gris. Ah bah oui. Ah bah bravo. Ça va les amigos, ça va, ça fait longtemps. Hein. Ah bah t'es là. Oui, je suis là. Hier j'écoutais France Info dans mon pédalo et vous avez entendu beaucoup d'homophobie à Paris en ce moment. D'habitude elles viennent plus tard les vannes sur Daniel Morin. Oui je sais. Qu'est-ce qu'il a encore fait le Grizzly de Fleury? Il a encore défié la loi? Eh bien non, une fois n'est pas coutume, j'ai rien de spécial à dire sur Daniel, si ce n'est que pendant ces quelques jours d'absence, il m'a quand même un peu manqué son fumet. Inimitable. Inimitable fumée. Non, blague à part, ça me rend dingue, les agressions à Paris, ça me rend vraiment dingue. Quoi. Je peux vous dire qu'à New York, ça se passe pas comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Amérique, les homosexuels, ils sont armés. Voilà, donc déjà, ça. Ah ouais, c'est vrai. La Gay Pride, c'est une autre ambiance. Ça va aller péler, on s'amuse sur son char. Ok, ah, pardon, désolé. Voilà, je dis pas que c'est la solution, mais bon. Ça peut être aidé. Non, c'est pas la solution. C'est pas la solution, ça peut être aidé. Mais ça me rend fou, vraiment, les agressions homophobes, moi, ça me donne envie de, vraiment de crever dans un élevage d'autruches. Et pourquoi elle? Pourquoi pas? Je sais que je prêche, j'ai convaincu, évidemment. Ouais. Voilà. J'imagine que si vous écoutez une radio comme France Inter, bon, c'est que vous êtes plus en âge d'agresser qui que ce soit. C'est vrai que le profil type de l'agresseur, c'est rarement boîte à pilules, fausse hanche et poster de Léon Zitro. C'est pas vrai, Marcel? Affirmatif. Affirmatif. Par contre, ça peut arriver d'avoir dans son entourage, c'est vrai, dans son entourage un pote ou une connaissance qui est un peu à cheval sur les principes de l'hétérosexualité. Une maman, un papa, deux trous pour l'une, un trou pour l'autre. Enfin, la configuration Stone et Chardin, évidemment, comme on dit dans la biologie de la reproduction. C'est là que ce biais prend tout son sens, naturellement. Parce que moi, j'avais un pote d'enfance qui tenait souvent comme ça les propos homophobes, tu vois, les trucs vraiment genre moi, Elton John, j'aime pas tout et tout. Enfin, vraiment choquant, quoi. Les trucs. Non, il disait le popper, c'est cher pour ce que c'est. Enfin, vraiment, on était à deux doigts de l'illégal, quoi. Et pourtant, avec mon pote d'enfance homophobe, ça servait strictement à rien d'aller sur le terrain de la tolérance et de la compassion pour le raisonner. Je me rappelle, je disais Nagui, tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre une romance. Il faut respecter la différence, apprendre à lui donner sa chance. C'est pas comme ça que je l'aime, la France. Moi, ça l'a pas touché, évidemment. Grégoire, si, évidemment, il en a fait une chanson pour le plus grand bonheur de Satan. Mais mon pote d'enfance homophobe, pour le convaincre d'arrêter d'emmerder les homosexuels dans la rue, j'étais obligé d'utiliser une logique qui comprenne lui, en fait. Vraiment, d'abord, je lui ai dit, voilà, écoute, au fond, tu sais, moi, je suis comme toi, la bite, c'est pas mon truc. Honnêtement, dans le sens où j'aime pas avoir un pénis tout près de moi, comme ça. Dans le métro, je suis obligé, c'est autre chose. Mais là, par exemple, si Loïc Perron sortait son chibre à 20 cm de mon sourcil en me disant, non, vas-y, continue, t'inquiète pas, y a pas de problème. Je dirais, non, Loïc, pas ici, pas maintenant. Non. Ça va pas être possible. Il y a des caméras. Pardon. Dans le sens où moi, mon sgeg, c'est comme mon enfant, j'aime bien le mien, mais un peu moins celui des autres. C'est mignon ça. Voilà, je suis pas très curieux au poulet non plus. C'est pas pour ça que je vais faire le tour du Punjab pour aller ratonner de la volaille. Et mon pote, il m'a fait, j'ai rien compris à ton argument. Et j'ai dit, écoute, j'avoue qu'en effet, c'était pas hyper clair. Mais enfin, tu m'aurais donné 2 heures de plus. Mais c'est vrai que ça l'a ébranlé. À ce moment-là, c'est là que j'ai porté les stockades, l'argument massif. Je lui dis, mec, chaque fois qu'un homme couche avec un homme, c'est de la concurrence en moins sur le marché de l'hétérosexualité. Hein. C'est vrai, toi et moi, on a intérêt à ce qu'il y ait le plus d'homosexuel possible. S'il reste que nous deux sur la terre à aimer les uns, je peux te dire qu'Emily Ratajkowski, elle sera bien contente de nous envoyer un DM sur Insta. Vraiment, carrément. Ah ouais. Alors arrête de violenter tes alliés objectifs. La prochaine fois que tu croises un petit couple qui t'a rien fait, tu fais un sourire et tu dis merci, il m'a dit Ernesto. On en reparle après l'émission.